On va parler de football. Quelle nouvelle! Il y a une belle nouvelle pour un gars que, écoute, ça fait 10 ans que dans le Radio Sport existe. Fait que, un moment donné, on vient qu'on connaît notre monde. Et hier, Gloire Mogamba, un joueur que, il y a quelques années qu'on parlait régulièrement dans les chroniques avec Serge Bouchard, qui, j'ai dit, terrorisait les défensives adverses. Ben, hier, a signé un contrat avec, ou encore ses commis, parce que c'est le vrai langage au football universitaire, ses commis avec l'Université Laval. Et question de, on va y parler à Gloire, c'est déjà booké pour la semaine prochaine, mais on va parler avec un gars qui doit être très très heureux, c'est Serge Bouchard qui a été son premier entraîneur de football. Salut Serge. Salut Danny. Serge, est-ce que, moi je me rappelle très bien de lui, c'est pour ça que je me suis empressé de te demander une entrevue, parce que souvent quand je t'appelais pour voir qui avait touché, puis ainsi de suite, le nom de Gloire Mogamba revenait souvent. Donc, es-tu surpris qu'il atteigne quand même, là, on est rendu pas loin d'aller canadienne, le Rouge et Or, là, la plus grande université au pays? Oui, ben, pas surpris au niveau du talent en termes de joueurs de football, là, c'est certain que quand il jouait, c'était le genre de porteur de ballon là, qui pouvait dans un match, il est déjà arrivé qu'il a marqué 5, 6, 7 touchés, puis même, je pense que c'est ça, son plus haut nombre de touchés dans un match, c'était 7. C'est sûr qu'au niveau talent, dès qu'il a commencé à son terrain, là, je voyais déjà qu'il se démarquait là, au niveau des autres. Je dirais là où la surprise est pour moi, ben j'en suis pas surpris parce que j'ai travaillé fort pour qu'il puisse arriver là, c'est au niveau de sa motivation à l'école. Okay. Gloire, c'est un jeune comme plusieurs garçons là, qui avait de la difficulté à se motiver, avait un comportement des fois un peu... déviant là, au niveau scolaire, il aimait mieux faire des blagues, perdre son temps et tout ça. Moi, le gros travail que j'ai eu à faire avec lui, c'est de lui faire comprendre que s'il voulait continuer à jouer au football, il fallait qu'il continue à travailler fort à l'école pour réussir ses matières académiques, pour modifier son comportement, parce que en plus, nous, ça fait partie de notre programme des Faucons, là, et ça, c'était pas acquis. J'ai travaillé très, très fort. Gloire aussi a travaillé très, très fort. Il est même arrivé des matchs où il n'a pas pu jouer. Il était suspendu parce qu'il n'avait pas eu un bon comportement dans la semaine. Et à un moment donné, il a compris que ça pénalisait aussi tous ses coéquipiers. Il y a eu un gros travail de fait de sa part là-dessus. Je sais que même dans son parcours collégial, il y a eu ça n'a pas été facile. Non plus à certaines occasions, mais ça a toujours été son talent puis son amour pour le football qui l'a emmené jusque-là à devoir persévérer pour dire hey, c'est ça que je veux faire, j'aime ça jouer au football, puis de se motiver à continuer à aller à l'école parce que le football veut pas au Québec si t'as pas des notes acceptables, ben non, si tu passes pas tes années, tu pourras pas jamais te rendre dans le Rouge et Or là, même si t'es le meilleur joueur au Québec. Ouais. Donc, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu performes quand même là un certain niveau. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est sans être une surprise. C'est là où je suis content de voir qu'il se rend là avec le OGA, mais qu'il va avoir un cheminement académique là, qui est acceptable, qui est vraiment bien. OK. Est-ce que tu penses que quand tu joues pour le Rouge et Or, c'est sûr que écoute, là, c'est la plus grande université au pays. Penses-tu qu'il aurait été mieux peut-être pour lui d'aller avec les Carabins ou d'aller dans une autre université? Parce que, écoute, il va être en compétition, là. Ben, il est mieux comme réserviste dans une équipe comme le Rouge et Or que partant avec le Vert et Or ou Bishop. Ouais, ça, c'est toujours une question, là. Ça dépend. C'est parce que, notre façon de voir les choses, c'est de le prendre comme au premier niveau, de dire, bon, est-ce qu'il va être sur le terrain et tout ça. Mais ouais, il va rendre... chaque personne a un bagage différent. Parfois, il y en a qui veulent pas trop s'éloigner de leur famille. D'autres fois, ça peut être au niveau financier aussi. Mm. Donc, puis je te dirais que selon moi, depuis lui... Gloire a quand même fait une année au séminaire Saint-François, qui après ça est allé au CNBF. Donc le Rouge et Or, quelque part, le connaissait bien aussi. S'ils ont accepté de le prendre, c'est parce qu'ils voient en lui un certain potentiel. Mais c'est sûr qu'il va devoir travailler là, relativement fort pour être partant là, peut-être dans la deuxième ou troisième année. Faut pas le voir comme première année, c'est impossible. Mais c'est-tu un gars qui est capable de jouer ses unités spéciales? Parce que souvent, tu rentres, c'est ta porte d'entrée, ça. Oui, oui, c'est quelqu'un qui, oui, il est capable de jouer sur une unité spéciale, puis c'est quelqu'un qui même, en tout cas avec nous, à un moment donné, je l'avais utilisé comme à la défensive, c'est quelqu'un qui frappait très fort, mais oui, oh, il est capable, là, faut qu'il donne le temps aussi, il revient quand même d'une blessure, à un genou pour un okay. porteur de ballon, pour qu'il donne ce temps-là de revenir, mais je pense que il va faire sa place, mais tu sais, la compétition est très forte là, universitaire. Ça peut faire 2 ans que t'es là, puis il en arrive un jeune, une recrue qui est meilleure ou égale. Souvent ils vont aller vers la recrue parce que ainsi de suite. Là, ça fait que c'est la compétition est vraiment à l'interne, ceux qui n'ont pas le choix de à chaque jour de travailler fort puis de vouloir s'améliorer. Mais je suis pas inquiet pour Gloire. C'est quelqu'un qui va faire sa place au fil des années. Okay. Puis, déjà qu'il soit rendu là, c'est déjà un bel exploit, mais je sais qu'il va continuer à travailler. Dis-moi, comme porteur de ballon, quel genre de porteur de ballon? C'est un gars qui est fort en ligne droite, qui est une puissance, c'est un porteur de ballon qui est puissant ou un porteur de ballon qui est rapide? Il y a une bonne rapidité, mais je dirais que c'est... Il y a ces changements de direction là qui sont vraiment bon. Tu sais, il y en a qui sont très rapides en ligne droite, mais quand tu changes de direction, ils perdent de la vitesse. Lui, une de ses forces, c'est que même en changement de direction, il perd pas de vitesse. Okay. Donc ça, c'est une belle qualité pour le porteur de ballon. Il y a une bonne lecture du jeu, puis surtout qu'il y aura pas peur aussi, comme on dit dans le jargon, il n'aura pas peur de foncer dans le tas quand ça va être le temps. Donc c'est un porteur, je dirais, qui est assez physique, là, qui aime le contact, qui aime quand ça brasse. Donc, ça, c'est des belles, c'est des bonnes qualités aussi là, pour un porteur de ballon. Son frère, on en a moins parlé. Ben, dans nos chroniques, on en a moins parlé, son frère. Mais est-ce que on me dit que c'est... Quelle position qu'il joue? C'est un porteur de ballon aussi? Oui, c'est un porteur de ballon. Là, lui, il vient de terminer son juvénile avec le séminaire Saint-François. OK. Lui, on en a moins parlé parce que les ligues sont finies. Il est parti à un moment donné dans le chemin. Non, mais il est parti dans son cheminement. Il n'est pas resté comme Gloire, ses 4 ans chez Bigamo. Okay. Il a joué qu'en secondaire 1 avec nous. Puis après ça, ils sont déménagés à Québec. Okay. Donc, ce qui fait en sorte que Kalinga, ben, on l'a toujours suivi quand même, nous, mais il reste qu'il a fait une saison avec les Faucons. Et après ça, il est parti au séminaire Saint-François, comme je disais. Il a été très dominant là. C'est à mon avis, c'était le meilleur joueur au Québec cette année. Pour Kalinga, là, je serais pas surpris qu'il y ait des offres là dans des high schools américains, et ainsi de suite. Là, il reste à Kalinga choisir où il ira, mais il y a un bel avenir devant lui là, à ce niveau-là aussi. Mais est-ce que c'est un... Est-ce que, parce que c'est lui qu'on entend parler, qu'on a entendu parler beaucoup cette année, qu'il y a même des écoles universitaires américaines qui commençaient même à courir après? Oui, oui. C'est lui? Ah, je pensais pas qu'il venait de Chipougamau. Ouais. C'est drôle, hein? Je pensais pas que... OK. Ouais. OK. Hey, ça te fait une fierté, Serge, quand tu vois ça, là, quand tu vois que Gloire s'aligne avec le Rouge et Or... tu me parlais de Jean-Philippe Thibault, que je connaissais pas, qui a joué Marc-André Thibault. Ça doit te faire une fierté quelque part, tout ça, là. De voir des kids qui atteignent les hauts sommets quand même. Oui, je dirais que oui, c'est une fierté, mais ça, c'est les noms qu'on entend, qu'on voit parce que c'est le Rouge et Or. Ouais. Mais nous, dans notre programme, des jeunes qui persévèrent à l'école parce qu'il y a du football, puis on en a plein à chaque année. C'est ça qui nous fait le plus plaisir. En tout cas, moi, comme enseignant, si je me dis, ben oui, ils iront pas tous dans le Rouge et Or. Il y en a qui vont aller jouer collégial, ça va s'arrêter là, mais plusieurs d'entre eux n'auraient jamais réussi. Ils ne seraient jamais rendus en secondaire 5 s'ils n'avaient pas eu ce sport-là dans l'école. Cette motivation-là à aller à l'école parce qu'il y avait du sport scolaire, il y avait du football. Donc, oui, c'est sûr qu'un nom comme Gloire, c'est un peu plus médiatisé. C'est un genre... une belle fierté, mais à chaque année, on a plein de jeunes comme ça qui ont dit qu'ils n'auraient jamais terminé leur secondaire sans football. Et là, ils réussissent. C'est juste un peu de valeur que ce ne soit pas tout le temps tous ces jeunes-là qui soient comme plus un peu vus là, de la part de la population, parce que malheureusement, on entend souvent parler le football, les commotions, et tout ben ça. Mais ça a tellement du positif sur plein de jeunes que c'est bien quand une personne comme ça se rend là, puis ça donne un exemple aussi pour plein d'autres jeunes, de regarder, de travailler fort. On a l'exemple de, mettons, Laurent Duvernay-Tardy, que lui, le médecin, ainsi de suite, puis c'est quelqu'un qui a sûrement une bonne facilité à l'école, et ainsi de suite, d'apprendre, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, des garçons, qui c'est pas nécessairement le cas, mais qui travaillent fort pour... tous ces noms-là, c'est des belles visibilités pour le sport, pour... c'est sûr qu'on est fiers de ce programme-là, puis de ce que ça peut apporter aux gens. OK. Ben, Serge Bouchard, félicitations, parce qu'il y a un peu de Serge Bouchard là-dedans aussi, dans le commitment, je sais pas comment l'appeler en français, là, c'est plus en anglais que je connais le thème, mais avec le Rouge et Or, c'est une grosse nouvelle, puis pour Chipogamo, ça va vous faire quelque chose, un joueur à surveiller de près, j'ai l'impression. Peut-être pas la première année, mais comme la deuxième année, ça va être intéressant. Oui, ça donne un bon exemple aux jeunes d'ici. Oui, effectivement. Donc, Serge Bouchard, l'entraîneur des Faucons de Chipogamo.